La baronne prit le journal, regarda les théâtres et posa la feuille où elle avait lu Robert le Diable à la rubrique de l'opéra. Josepha, que l'opéra italien avait cédé depuis 6 mois à l'opéra français, chantait le rôle d'Alice. Cette pantomime n'échappa point au baron, qui regarda fixement sa femme. Adeline baissa les yeux, sortit dans le jardin, et il y suivit. « Voyons, qu'y a-t-il, Adeline ? » dit-il en la prenant par la taille, l'attirant à lui et la pressant. « Ne sais-tu pas que je t'aime plus que Jenny Cadine et que Josepha ? » répondit-elle avec hardiesse et en l'interrompant. « Et qui t'a dit cela ? » demanda le baron, qui, lâchant sa femme, recula de 2 pas. « On m'a écrit une lettre anonyme que j'ai brûlée et où on me disait, mon ami, que le mariage d'Hortense a manqué par suite de la gêne où nous sommes. Ta femme, mon cher Hector, n'aurait jamais dit une parole. Elle a su tes liaisons avec Jenny Cadine. S'est-elle jamais plainte ? Mais la mère d'Hortense te doit la vérité. » Hulot, après un moment de silence terrible pour sa femme, dont les battements de cœur s'entendaient, se décroisa les bras, la saisit, la pressa sur son cœur, l'embrassa sur le front, et lui dit avec cette force exaltée que prête l'enthousiasme « Adeline, tu es un ange, et je suis un misérable. » « Non, non, » répondit la baronne, en lui mettant brusquement sa main sur les lèvres pour l'empêcher de dire du mal de lui-même.